Le musicien et la guitare. Dans cette histoire, l'homme est la guitare et le musicien est notre créateur, Dieu. Nous sommes tous comme une guitare. Lorsqu'une guitare entend un musicien divin, elle n'attend plus qu'une chose, que ce musicien veuille bien jouer sur ses cordes. C'est son plus grand désir. Elle se donnerait de tout cœur à lui. Un jour, le musicien divin, entendant ce cri du cœur et reconnaissant l'ardent accent de la sincérité, va vers la guitare, la prend et commence à jouer. Elle est heureuse, heureuse. Assez vite toutefois, il remarque que cette guitare est probablement inutilisée depuis un moment. Il lui faut l'accorder. Il commence alors à tourner pour tendre les cordes. La guitare n'est pas habituée à cette pression, ça lui fait mal. Elle lui demande d'arrêter. C'est trop dur à supporter. Il lui répond que c'est le seul moyen pour qu'il puisse jouer sur ses cordes cette belle musique. Cependant, elle résiste et finalement une des cordes casse. Elle le supplie alors d'essayer encore. Elle aimerait tant qu'il la nourrisse de sa belle musique. Le musicien a bien envie de faire plaisir à cette guitare, alors il reprend avec les cordes qui restent. Mais à nouveau, ça sonne faux. Il lui faut encore essayer de l'accorder. Il serre. Et la guitare résiste tant qu'une deuxième corde se déchire, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une seule corde. Le musicien aimerait tellement pouvoir jouer un de ses airs divins sur cette guitare, mais rien n'y fait. La corde ne veut pas le laisser faire. Il n'a plus d'autre choix que de laisser cette pauvre guitare à elle-même. Dieu nous soumet à des épreuves pour que nous nous améliorions. Ces épreuves sont là pour nous perfectionner, non pas pour nous détruire. La destruction est le résultat de notre entêtement à vouloir résister à sa volonté et à ne pas suivre ses commandements. Aussi difficiles à suivre soient-ils, ils sont l'expression de son amour pour nous, et son but est de nous permettre de réaliser notre vœu d'être proche de lui.